L'affaire du coffret. 50e. شيء لا يصدق هذا التجي في. خلال 3 ساعات كنت في مرسيليا. تاكسي. Le clos du clair regard s'il vous plaît. C'est comme si on y était. Voilà, on est arrivé. لكن هذا ليس فندقا. إنه مستشفى. Bonjour madame Nadia Breton, chambre 203. Ah, vous êtes son amie Lucas. Elle est dans le jardin. Merci. Oh, حديقة جميلة. لكن بقي علي الآن أن أتعرف مجددا إلى نادية. لوكا. نادية. Alors, un bijou? Un bijou? Mais non, pas un bijou. Un bijou. Tu te rappelles? Les romantiques, l'hôtel Montmartre. Voilà. D'accord. حسنا يجب أن أشرح لها. نادية، j'ai un problème. L'accident. Je ne me rappelle pas. Tu as oublié l'accident. Oui, mais aussi l'aéroport et toi. Attends, tu ne te rappelles de rien? Je me rappelle de ta main à la crêperie et j'ai écouté le balador. Heureusement. Alors, maintenant tu me connais mieux? Oui, je crois. Nadia, l'accident. L'accident? Oh, ça, c'est Jean-Pierre. Il est jaloux. Écoute, Lucas, mes yeux... عيناها ربما ستصبح عمياء. Oui, oui, je sais. Les médecins ne savent pas encore. Il faut attendre. D'accord. Et le coffret de George Sand? Tout va bien. Tu as l'argent? Oui, l'argent est à la banque. D'accord. Prends un taxi. Anne t'attend chez elle. Allez, à plus tard. À plus tard? Ah, نعم. يعني أراك لاحقا. Oui, oui, à plus tard. Alors, toujours pas de bisous? Si. C'est mieux comme ça. Salut le journaliste. Et bravo pour ton français. إذن هذه هي نادية. ربما نسيت أشياء كثيرة، لكن كيف استطعت أن أنسى سيدة جميلة مثل نادية؟ رغم أن جان بيير قد صدمني بدراجته النارية، إلا أنني سعيد بوجودي هنا أخيرا. أما الآن لأكتشف المكان الذي سيأويني في مرسيليا عند آن. À suivre.